10h, 14h, 16h. Sur BFM. Tous les après-midi, les Audinautes font leur révolution. We love 10h. Venez avec vos disques. Il est 15h sur BFM, la Radio Rock, c'est lundi, c'est Julien avec cette playlist rock au féminin concoctée par Eric Delancourt sur deezer.com/BFM. Salut Eric. Salut. Alors toi t'as 38 ans, tu bosses pour la commune d'Elancourt. Exact. Et le petit pseudo, tu m'as dit que t'avais tapé au pif, donc ça donne Eric Legdes. Oui, voilà. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. Il y aura du Mademoiselle K, il y aura les Breeders, il y aura Isia et Plasticine, c'est un petit extrait de la playlist. Et Eric, pour attaquer, les Ting Tings. Oui, bah, c'est un groupe anglais qui me rappelle un peu Blondie, hein, en version pop électro, on va dire. Donc c'est la renaissance de Blondie, ça donne la pêche, c'est excellent. Blondie qui revient d'ailleurs avec un nouvel album cette année, il va falloir surveiller ça de très près. Ah, les Ting Tings. Voilà des grands absents de vos playlists, deezer.com/WFM. They forget my name. Aim. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last trip standing up against the wall. Keep up falling these hills that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, Anna. Though I'm dressed up out and all with everything considered, they forget my name. Aim. They call me Hell. Let's go! not foresee this thing happening to you. Qu'a choisi Eric Delancourt sur Deezer, c'est ceux qui sont chantés par des filles jusqu'à 16h, et notamment, alors là c'est pas une fille, une femme, quel plastique elle a, c'est Mademoiselle K, Eric ? Tout à fait, Eric. Alors là ? Mademoiselle K, bah, c'est le nouveau rock français, comme l'a pu être Téléphone dans les années 70-80. C'est rafraîchissant, je crois que l'album sort la semaine prochaine, il me semble. Oui. Donc voilà. Lundi prochain, exactement. Et c'est vrai que c'est tout un style, Mademoiselle K. Hein. On va l'accueillir justement, alors mardi, le lendemain de la sortie de l'album, pour quelques extraits en acoustique, notamment ce morceau Joué dehors. Et le 21 janvier, elle sera en showcase à la Fnac Saint-Lazare avec OuiFM, la radio rock. Joué dehors, Mademoiselle K, choisie par Eric Delancourt sur deezer.com/OuiFM. Je voudrais jouer dehors. J'ai pas choisi d'être grand et j'aimerais vivre jeune encore. Offspring sur WFM. Eux aussi, ils préparent leur retour avec une opération intéressante sur leur site. Ils vous demandent de vous prendre en photo avec le fameux signe du diable, vous savez, avec les doigts, là, avec la main. Vous faites la tête qui va bien avec. Vous mettez un t-shirt Offspring si vous en avez un et vous repartirez avec une clé USB logotée The Offspring, ce qui est juste un petit objet de collection pour les fans, quoi. Encart sur WFM.fr, page We Love Deezer pour avoir le lien vers cette opération. Dans un instant, les Sex Pistols, How Shocking! God Save the Queen. Il y aura aussi Pink Floyd avec Money. Alors ça, c'est juste un morceau énormissime de 6 minutes. Et on retrouve Éric Delancourt pour sa playlist Rock au féminin. Bring the Noise, la seule émission alternative rock de la bande FM. Au programme, actualités, invités, sessions live exclusives et nouveautés ultra rock. Bring the Noise. Bring the Noise. Rendez-vous du lundi au vendredi de 23h à 1h. Et le dimanche, à partir de 22h, de sa Hollande natale, 86 by Bavaria, à garder les ingrédients naturels. L'orge, l'houblon, l'authenticité du savoir-faire, la fraîcheur du nos pur, mais aussi la force des arômes, l'originalité et la puissance du goût, pour un véritable concert de saveurs. 86 by Bavaria, démesurément bière. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bienvenue chez Renault Minute. Dites, je vois vos techniciens faire ma vidange, là. Ils en font pas un peu trop? Attendez, mise à niveau, contrôle, huile de qualité adaptée à votre voiture, non, tout est normal. D'ailleurs, c'est fini. Voilà votre facture. Ah bah, vous avez dû oublier quelque chose. Ah oui, bonne route, monsieur. Renault Minute vous étonnera aussi par ses prix. En janvier, moins 50% sur la vidange, les disques de frein et le deuxième amortisseur. L'expertise, la qualité, le prix, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre hors main d'œuvre réservée aux particuliers, voire conditions dans le réseau participant. Approchez, approchez, elles sont belles mes remises! 5 jours seulement du 7 au 11 janvier sur EasyJet.com! Oh ouais, vous me conseillez quoi aujourd'hui? Oh, tout est bon sur tous les vols, de février à juillet 2011, jusqu'à 30% sur EasyJet.com! Eh ben, je prendrais bien un peu de Zagreb et un peu de Rome, s'il vous plaît. Un peu de Rome, c'est parti! Mais sans modération, hein! Réservation sur EasyJet.com. C'est la fête des points chez U. Et U Mobile est aussi de la partie. Oui, en ce moment, pour tout achat d'une recharge U Mobile à partir de 10 euros, vos points bonus carte U sont doublés. Si, si, deux fois plus de points. Que vous pourrez ensuite échanger contre une recharge U Mobile pour téléphoner plus. Hein? Tiens, autant de bonnes nouvelles, moi ça me donne envie de passer un coup de fil. Tiens, oui, je vais passer un coup de fil. Offre soumise à conditions réservée aux clients carte U en métropole du 11 au 22 janvier dans les magasins participants. Conditions et tarifs en magasin et sur magasin-u.com. U Mobile avec Orange. Oh, vide gratuit, ça tombe bien. Jusqu'au 5 avril à Disneyland Paris, en achetant un billet francilien à partir de 30 euros, le même billet est gratuit pour un enfant de moins de 12 ans. Offre non cumulable soumise à condition. Plus d'informations en certaines billetteries sur disneylandparis.com. Billet ouvert à tous. Soyez patients, juste après la pub, WFM vous offre une pépite du rock. Janvier 2011, Stéphane est au téléphone avec Chloé. Soudain, Frédéric arrive ce week-end. Frédéric? Qui est ce Frédéric? Comment savoir? Pendant les 10 jours TGV, profitez de billets à partir de 29 euros. En vente jusqu'au 14 janvier pour des voyages du 7 janvier au 10 février. Offre soumise à condition, également disponible avec Théos, Lunéa et Intercité. Voilà, Stéphane ira donc lui aussi en Avignon ce week-end et découvrira que Frédéric est en fait... Frédéric. La cousine de Chloé. Qui est très sympa. Et range tes yeux, SNCF. Vous écouterez de la musique classique. À votre enterrement. Oui, FM. FM. La Radio Rock. Oui. Oui, FM. Potential hate bomb. Papier, s'il vous plaît. Vous savez que depuis peu, vous êtes obligé d'avoir dans votre voiture cet horrible gilet jaune dit de sécurité, ainsi que le fameux triangle de pré-signalisation. Et si votre voiture n'est pas équipée de ce triangle de pré-signalisation, vous pouvez toujours sortir votre pochette de The Dark Side of the Moon. C'était Money, les Pink Floyd sur WFM. We love 10h, 14h, 16h sur WFM. Tous les après-midi, les Audinautes font leur évolution. We love 10h. Venez avec vos disques. Retour à la playlist rock au féminin, signé Eric Delancourt sur deezer.com/WFM. Eric, après les Ting Tings et Mademoiselle K, alors là on va dans les années 90 avec les Breeders. Oui, les Breeders, un groupe américain formé par la bassiste des Pixies. Donc et un titre Cannonball, un titre culte du rock américain des années 90. Titre culte qu'on peut entendre au début du film Sex et autres drogues qui est à l'affiche en ce moment. Et puisqu'on parle de film, ça me fait penser que c'est une journée spéciale Be Bad. Lui n'est plus à l'affiche, mais par contre sort en DVD avec WFM, DVD, Blu-ray, VOD aussi. Vous le gagnez maintenant, vous envoyez WFM et votre numéro de téléphone au 7200. seule, l'unique, la dernière radio rock. Connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'obstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles ma petite entreprise, connaît pas la crise, s'expose au firmament, gère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme, qui fait que je souque, qui fait que je toque, à chaque palier, escalier, ces bâtiments B, à l'oreille de ce lèvre. Mes oreilles, ma petite entreprise, connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Alain Bachung, avec un C, tant aimé, repose en paix près d'ici, hein, finalement, tout au bout de la rue de la Roquette. C'est vrai qu'elle est longue. Il est au Père Lachaise avec une sépulture digne de ce nom depuis quelques jours maintenant. Éric Delancourt, qui bosse d'ailleurs pour la commune d'Elancourt à 38 ans, il s'appelle Éric Legdès, c'est le pseudo sur deezer.com/ouifm et la playlist rock au féminin. On en écoute quelques extraits depuis 15h, les Ting Tings, Mademoiselle K, les Breeders. Et alors là, tu me fais plaisir, Éric, avec Isia. Oui, Isia, oui. Alors là, c'est l'influence rock 70s, c'est Janis Joplin, Led Zeppelin, enfin, tout ce que j'aime, quoi. Tout ce que tu aimes. Alors, je sais pas si tu l'as vu en concert encore, Isia. Eh non, j'ai pas eu cette chance. Absolument, aller la voir. Là, elle était en Angleterre ces jours-ci pour préparer un nouvel album qui arrivera très bientôt. Et j'espère la revoir sur scène. C'est un de mes concerts préférés de l'année 2010, sans aucun doute. C'était encore une fois au studio SFR. Et Isia était quand même sous cortisone ce soir-là. Elle avait plus de voix. Et pour nous, elle est venue, elle a fait le show Let Me Alone sur UFM. Turn off the light, I'm not afraid. Let me alone, I'll be okay. Don't even smile, just go away. Cause in my head it's anarchy. Let me alone, get out of there. I'm sure I can control myself. Goodbye, my friend, I don't need you. Goodbye, my friend, you're on the list. Radio Rock. Le principe de cette émission, 25 titres rock préférés, dont 10 chantés en français sur deezer.com/WFM. Éric Delancourt et cette playlist rock au féminin, du beau monde quand même à l'intérieur, entre autres les Ting Tings, Mademoiselle K, les Breeders, Isia. Et pour se quitter, Éric, un groupe français qui chante en français, notamment les Plasticines. Eh oui, donc, à vrai dire, c'est un groupe issu d'une commune voisine à la mienne, Saint-Cyr-l'École. Donc, voilà, c'est dit, c'est la bonne scène locale. On pourra les voir d'ailleurs en DJ set au Glazart, au début février. Les deux filles des Plasticines sur quatre, parce qu'elles sont nombreuses maintenant quand même, pas avec toi. Merci Eric. T'en prie. Tu reviens quand tu veux, deezer.com/WFM. Je sais qu'Eric a d'autres playlists sous le coude, notamment une playlist avec du live à l'intérieur. À suivre, les Plasticines sont sur WFM, la radio rock. Sans passer, passer. Réécoutez vos classiques rock sur BFM. Rock. La Radio Rock.